Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant hier que l'Avalanche du Colorado a perdu par la marque de 6 à 3 contre les Penguins de Pittsburgh. Samuel Girard de Roberval a été blanchi. Il y a les Saguenay de Scoutimi hier qui ont perdu hier par la marque de 8 à 3 contre le Drakkar à Baie-Comeau. À noter dans le match que Artemi Gniagev a marqué un but et récolté une passe. Il y a Vladislav Kotkov qui a marqué un but et une passe et Michael Pellerin qui a marqué un but. Il y a les Rapides de Beaumont-Sassigny qui occupent le 45e rang au niveau Bantam selon le dernier classement APOC, selon le site internet classementapoc.com. On parle évidemment de la 45e position. Et également les Ambassadeurs de Chicoutimi occupent le 61e rang. Au niveau midget, les Castors de Dolbeau sont au 41e rang et les Ambassadeurs de Chicoutimi occupent, tant qu'à eux, le 53e rang. Et au niveau junior, les Épervilles Normandins sont au 19e rang et les Sabres de Roberval au 21e rang. Je vous invite à écouter la section d'entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec Pierre Guay, qui est le président de la Ligue de hockey JMS. On a également passé en entrevue. L'entrevue que Michel Tifot et Dominique Bauduc ont réalisé avec l'instructeur adjoint des Saguenay de Chicoutimi, Claude Bouchard. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.